Là, ça enregistre? Ouais. Ok. Fait que nous autres, il faut faire une toune en honneur du prisonnier qui vient de se faire libérer. Ok. Improvisation sonore rapide. Quick, take it out. On the one.